الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue la lecture et la traduction du livre تيسير العلام شرح عمدة الأحكام, un livre de l'imam عبد الغني المقدسي et une explication du Cheikh Abdullah al-Bassam, rahimallahu al-jami'. Lors du cours dernier, on a expliqué le hadith de l'Moussi fi salatih, qui est le hadith de Abu Huraira radiallahu ta'ala an, rapporté par al-Bukhari muslim, qui se propose pour nous le réciter. Naam? جواد تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ودخل الرجل بعده فدخل الرجل فصلى ثم جاء رسول ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثم فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا وقال فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها رواه البخاري ومسلم. أحسنت بارك الله فيك. Notre personne qui se propose de réciter le même hadith, vu que c'était le seul à apprendre. Fadal Moshe. رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال فارجع فصلي فإنك ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة ما أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها رواه البخاري ومسلم. احسنت بارك الله فيكم. طيب يقول المؤلف رحمه الله باب القراءة في الصلاة. مباحث هذا الباب الكلام على قراءة الفاتحة في الصلاة, هل تصح الصلاة بدونها, والكلام على المواضع التي يكتفى فيها بالفاتحة والمواضع التي يشرع فيها بعد الفاتحة غيرها, والكلام أيضا على نوع القراءة بالنسبة للصلوات ونحو ذلك من البحوث المتعلقة بالقراءة. Le chapitre de la lecture dans la prière ou pendant la prière. Les points étudiés dans ce chapitre seront le fait de parler de la lecture de l'Fatiha pendant la prière. Est-ce que la prière peut être valide sans la lecture de l'Fatiha ? Dans ce sujet, on parlera également, ou dans ce chapitre, on parlera également des endroits dans lesquels il suffit de lire Al-Fatiha et les endroits dans lesquels il est légiféré de lire après Al-Fatiha et également de parler des différentes lectures dans les différentes prières et de parler d'autres sujets qui sont tous en rapport avec la lecture. Al-Hadith al-Rabi'u wa al-Tis'oun عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواه البخاري ومسلم. Le 94e hadith. Selon Ubada ibn Samit radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: point de prière pour celui qui ne lit pas l'ouverture du livre. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Al-ma'na al-ijmali. Surah al-Fatiha hiya umm al-Qur'an wa ruhuh. لأنها جمعت أنواع المحامد والصفات العلى لله تعالى وإثبات الملك والقهر والمعاد والجزاء والعبادة والقصد وهذه أنواع التوحيد والتكاليف ثم اشتملت على أفضل دعاء وأجل مطلوب وسؤال النجاة من سلوك طريق المعاندين والضالين والسؤال النجاة من سلوك طريق المعاندين والضالين إلى طريق العالمين العاملين كما أثبت كذلك الرسالة بطريق اللزوم لذا فرضت قراءتها في كل ركعة وأنيطت صحة الصلاة بقراءتها ونفيت حقيقة الصلاة الشرعية بدون قراءتها ويؤكد نفي حقيقتها الشرعية ما أخرجه ابن خزيمة عن أبي هريرة مرفوعا وهو لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. Le sens général du hadith. Sourate al-Fatiha est la mère du Coran et son âme, car elle a rassemblé l'ensemble des louanges ainsi que des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a attesté la royauté et le pouvoir à Allah azza wa jal, de même qu'elle atteste de la résurrection et de la récompense. Elle atteste également de l'adoration et de celui que l'on recherche, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous implorons l'aide. Et lorsque tu implores l'aide, c'est-à-dire que tu te diriges vers une seule, vers Allah subhanahu wa ta'ala seul. وَهَذِهِ أَنْوَاعُ التَّوْحِيدِ وَالتَّكَالِيفِ. Et ceci correspond aux différentes sortes de tawhid. Et on avait vu, dans des cours précédents, que dans Surat al-Fatiha, il y a les quatre catégorie de tawhid. Il y a le tawhid al-uluhiyya, tawhid al-rububiyya, tawhid al-asma wa al-sifat et tawhid al-mutaba'a. Puis, cette sourate également comporte la meilleure invocation et ce qui est le plus prisé, à savoir de demander d'être épargné, de suivre la voie de ceux qui ont contredit la vérité et se sont égarés, et de demander la voix de ceux qui ont le savoir et qui l'ont mis en pratique. Et ceci atteste également de façon et ceci sous-entend bien sûr le fait d'attester le message de Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ainsi, parce que Sourate al-Fatiha comporte tous ses mérites, il est obligatoire de la lire dans chaque rak'at. Et la validité de la prière dépend de sa lecture. Et la prière est niée et elle est nulle et inexistante lorsque la Sourate al-Fatiha n'est pas lue. Et ce qui vient appuyer et attester le fait que la prière n'a aucune validité juridique lorsque Sourate al-Fatiha n'est pas récitée, et le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, rapporté par Ibn Khuzaymah dans son Sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: une prière dans laquelle il n'est pas lu la mère des livres est une prière qui n'est pas valide. Ikhtilaf ul-ulama. تقدم أن مذهب الحنفية أن المشروع عندهم قراءة الفاتحة في الصلاة، ولكنهم يجيزون الصلاة بدونها ولو من قادر عليها. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من تعيين الفاتحة مع القدرة عليها، وتقدمت أدلة الفريقين هناك وأجمعوا على وجوب قراءتها للإمام والمنفرد. La divergence des savants. Nous avons vu précédemment que le madhhab de Al-Hanafiyya est que ce qui est légiféré chez eux est de lire Al-Fatiha dans la prière, mais ils autorisent de lire autre que le Fatiha, même pour celui qui a la possibilité de la lire. On a dit que cela était le madhhab de Al-Hanafiyya. Et ce qui est vrai et authentique est l'avis de la plupart des savants en le fait de considérer que la lecture de l'Fatiha est obligatoire pour celui qui a la possibilité de la lire. Et nous avons cité les preuves de chacun. Également, la majorité des savants sont unanimes sur l'obligation de lire Al-Fatiha à la fois pour l'imam et pour Al-Munfarid, qui est celui qui prie seul. واختلفوا في قراءتها للمأموم فذهبت الحنابلة والحنفية إلى سقوطها عن المأموم مطلقا سواء أكان في صلاة سرية أم جهرية وذهبت الشافعية وأهل الحديث إلى وجوب قراءتها لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد وذهبت المالكية إلى وجوب قراءتها على المأموم في السرية وسقوطها عنه في الجهرية وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام Ibn Taymiyyah wa ghayruhum min al-muhaqqiqin. Les savants ont divergé sur la lecture de celui qui prie derrière l'imam. Al-Hanabila ainsi que Al-Hanafiyya disent que la lecture de Sourate Al-Fatiha n'est pas demander pour celui qui prie derrière l'imam, que ce soit une prière à voix haute ou une prière à voix basse. Et Al-Shafi'iyya ainsi que les gens du hadith sont de l'avis qu'il est obligatoire de la lire, c'est-à-dire de lire Sourate Al-Fatiha pour chaque prière, qu'il soit imam, qu'il prie seul ou qu'il prie derrière un imam. et Al-Malikiyya sont de l'avis qu'il est obligatoire de lire Sourate Al-Fatiha pour celui qui prie derrière l'imam pendant la prière à voix basse, et qu'il en est exempté pendant la prière à voix haute. Et c'est une version également de l'imam Ahmed, et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ainsi que d'autres savants parmi al-Muhaqqiqin. Concernant donc la lecture de la personne qui prie derrière l'imam, al-Ma'moum, il y a combien d'avis ? 3. Le premier avis, qui est l'avis de l'Hanabila et de l'Hanafiyya, qui est que celui qui prie derrière l'imam ne récite pas, que ce soit la prière à voix haute ou la prière à voix basse. Le deuxième avis, qui est l'avis de l'Shafi'iyya et de Ahlul Hadith, qui est que Al-Fatiha doit tout le temps être lu, que tu sois imam, que tu pries seul ou que tu pries derrière un imam. Que ce soit une prière à voix haute ou que ce soit une prière à voix basse. Et Al-Malikiyya, et c'est une version également de l'imam Ahmed, et qu'il est obligatoire pour ceux qui prient derrière l'imam de lire Al-Fatiha lorsque, pendant une prière à voix basse, et qu'il en est exempté lorsqu'il prie derrière l'imam pendant une prière à voix haute. Et c'est l'avis de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Puis, Cheikh al-Bassam, rahimahullah, rapporte les preuves de chacun. Salam Allah. استدل الحنفية بحديث من صلى خلف إمام فقراءة الإمام قراءة له وقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وحديث إذا قرأ فأنصتوا. Quelle est la preuve de الحنفية? Que disent الحنفية? Qu'il ne lit pas, que ce soit pendant les prières à voix haute ou à voix basse. Qu'il ne lit pas, on parle ici de celui qui prie derrière l'imam. La preuve est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui prie derrière un imam, la lecture de l'imam est pour lui une lecture. Celui qui prie derrière un imam, la lecture de l'imam est pour lui une lecture. C'est un hadith jugé bon par Cheikh Al-Albani, mais sous d'autres termes. Cheikh Al-Albani a considéré ce hadith Hassan dans Sahih Al-Jami' et dans Sunan Abi Daoud, mais le terme du hadith sont Man kana lahu imam fa qira'atu al-imami lahu qira'ah. Celui qui a un imam, la lecture de l'imam est pour lui une lecture. C'est leur première preuve. Elle est forte ou pas? Non? Taïb. La parole d'Allah Azza wa Jal, la seconde preuve, est lorsque le Coran est lu, écoutez-le et taisez-vous. Écoutez-le et taisez-vous. Lorsque le Coran est lu, écoutez-le et taisez-vous, qui est le verset 204 de Sourate Al-A'raf. Et ils ont aussi pour preuve la parole du prophète sallam, إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا. Et lorsqu'il lit, écoutez. وَأَنْصِتُوا عَفْوًا, c'est écouter, c'est pas taisez-vous. وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا. C'est-à-dire, lorsque le Coran est lu, écoutez-le et soyez attentifs dans l'écoute. Donc ce n'est pas taisez-vous. Et le hadith du prophète sallam, rapporté par Abu Daoud, Al-Nasa'i, Ibn Majah, l'imam Ahmed, et authentifié par Cheikh Al-Albani, et lorsqu'il lit, écoutez-le. Ici, le professeur Hassan parle de qui ? De l'imam. واستدل الشافعي ومن وافقه بحديث عبادة الذي معنا وأجاب عن حديث من صلى خلف الإمام إلى آخره بما قاله ابن حجر من أن طرقه كلها معلولة فلا تقوم به حجة. وأما الآية وحديث وإذا قرأ فانصتوا ونحوهما فهي عمومات في كل قراءة وحديث عبادة خاص بالفاتحة. Al-Shafi'iyya et ceux qui sont de leur avis, et ici ceux qui ont été cités par Cheikh Al-Bassam, ce sont les gens du hadith, l'avis de Shafi'iyya qui est l'obligation de lire en toutes les situations. Leur preuve est le hadith de Ubada que l'on étudie actuellement, où le professeur Al-Salam a dit « La salata » لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. Point de prière pour celui qui ne récite pas l'ouverture du livre. Et ils ont répondu au hadith qu'ont utilisé Al-Hanafiyya, celui qui prie derrière un imam, la lecture de l'imam n'est pour lui une lecture. Ils ont répondu par ce qu'a répondu entre autres Al-Hafid ibn Hajar en disant que les versions de ce hadith ou les chaînes de transmission ont toutes un défaut ou elles sont critiquables. Ainsi, on ne peut pas les considérer comme preuves. Et quant au verset et au hadith, quant au verset où Allah Azza wa Jalla dit « وَإِذَا الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا » et le hadith où le professeur Sallallahu Alaihi Wasallam a dit « Et lorsqu'il lit, écoutez » et toute autre preuve similaire, ceci est cité de façon générale dans toutes les lectures, dans la lecture de façon générale, c'est-à-dire lorsque le Coran est lu, écoutez-le, lorsque l'imam récite, écoutez-le, lorsque le Coran est lu de façon générale, lorsque l'imam lit de façon générale. Et le hadith de Ubada est propre à Al-Fatiha. Est propre à Al-Fatiha. Donc autrement dit que le hadith de Ubada vient spécifier le hadith cité par Al-Shafi'iyya entre autres. Et ils ont aussi une autre preuve que les compagnons radiallahu anhum priaient derrière le professeur sallam et il a entendu des chuchotements derrière lui. Et le professeur sallam, une fois la prière terminée, leur a dit quels étaient ces bruits que j'entendais. Ils ont dit, nous lisions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, « La tafa'alu illa bi fatihati al-kitab ou bi ummi al-Qur'an. » Ne faites pas que pour, ou excepté pour surat al-Fatiha. C'est-à-dire, ne lisez pas derrière moi pendant la prière à voix haute, sauf si vous lisez al-Fatiha. Donc cela vient appuyer la preuve de al-madhhab al-Shafi'i ainsi que les gens du hadith qui sont de l'avis qu'il faut lire al-Fatiha dans toutes les situations. قلت ويطمئن القلب الى التفصيل الذي ذهب اليه الامام مالك والامام احمد في احدى الروايتين عنه لان ادله الفريقين تجتمع فيه فحصل العمل بها كلها ولأن قراءة الفاتحة تفوت المأموم في السرية إذا تفوت المأموم في السرية إذا لم يقرأها ولم يسمعها من الإمام ولا يكون للإمام فائدة ما دام المأموم يشتغل بالقراءة عن الإنصات للإمام كما يتعين قراءة الفاتحة على المأموم الذي يسمع لا يسمعها لبعد أو لطرش على أن لا يشغل ذلك من بجانبه من المصلين المنصتين. Puis Cheikh Al-Bassam dit et je dis قلتو, le cœur s'apaise au détail auquel sont arrivés l'imam Ahmed et l'imam Malik Afwan et l'imam Ahmed dans une des deux versions. Le cœur est apaisé à l'avis de l'imam Malik et de l'imam Ahmed dans une de ces deux versions, car les preuves des deux autres y sont réunies. Les preuves de ceux qui disent qu'il ne faut pas lire et de ceux qui disent qu'il faut tout le temps lire sont réunies dans l'avis qu'a eu ou qu'a suivi l'imam Malik ainsi que l'imam Ahmed dans une des versions et également Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et dans cet avis, on met en pratique l'ensemble des textes rapportés. Car, ici le Cheikh donne l'explication de comment est-ce que cela rassemble tout, comment est-ce que cet avis rassemble l'ensemble des preuves, car une personne qui prie derrière l'imam, pendant la prière à voix basse, qui ne l'entend pas de l'imam et qui ne la récite pas, est-ce qu'il a raté quelque chose ou pas? Oui, il y a un manque. La personne qui prie dehors derrière l'imam, il est comme ça. Ni il ne récite le Fatiha et ni il n'entend l'imam. Dans l'histoire, et ni le fait de lire le Fatiha est quelque chose qui lui manque. Et également, il dit, et il n'y a pas de bénéfice à avoir un imam et que celui qui est derrière lui lit pendant que l'imam lit sans l'écouter. Un imam, il est fait pour être suivi et pour être écouté. Comme le fait que, également, ce qui est cher ici, donne une précision, comme le fait que Surat al-Fatiha est obligatoire pour celui qui prie derrière un imam, mais il n'entend pas la lecture de l'imam. Soit parce qu'il y a un problème, ou soit parce que l'imam est loin, éloigné de lui. Et ceci, à condition de ne pas porter préjudice et de ne pas déranger ceux qui prient à côté de lui et qui écoutent. Vous avez compris la troisième situation ou pas? Tayyib. Ma yukhadhu min al-hadith. Ce que l'on retient du hadith. Awalan, wujubu qira'ati al-fatiha fi kulli rak'atin min as-salah. وأنه لا يجزئ غيرها مع القدرة عليها. Premièrement, l'obligation de lire al-Fatiha dans chaque raka'a de la prière. Et que rien ne remplace la lecture de al-Fatiha lorsque la personne a la possibilité de la lire. Comment une personne peut ne pas avoir la possibilité de la lire? Celui qui ne la connaît pas ou celui qui, par exemple, vient de se convertir et qui n'a aucune notion dans la langue arabe et qui n'a jamais appris surat al-Fatiha. Donc il n'a pas la possibilité de la lire. Donc lui, autre que le Fatiha, lui suffit. Autre que le Fatiha, lui suffit. Thaniyan, بطلان الصلاة بتركها من المتعمد والجاهل والناس لأنها ركن والأركان لا تسقط مطلقا. Deuxièmement, la non-validité de la prière pour celui qui délaisse la lecture de l'Fatiha de façon volontaire par ignorance ou par oubli, quelle que soit l'une de ces trois raisons, dans tous les cas la prière est nulle, car la lecture de Surat al-Fatiha est un pilier de la prière, et les piliers ne sont jamais exempts. On n'est jamais exempt d'un pilier. Thalithan, لكن تقدم أن الصحيح من الأقوال الثلاثة أنها تجب على المأموم في الصلاة السرية وتسقط عنه في الجهرية لسماع قراءة الإمام. Troisièmement, mais, comme cela a été précédemment dit, l'avis le plus authentique parmi les trois cités est que la lecture de Sourate al-Fatiha est obligatoire pour celui qui prie derrière l'imam pendant une prière à voix basse, et que cette obligation est levée pour la personne qui prie derrière l'imam pendant la prière à voix haute, ceci pour écouter la lecture de l'imam. واضح؟ الحديث الخامس والتسعون الـ95 حديث. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمعنا الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر الثانية، رواه البخاري ومسلم. من Vous avez Fi J'ai pas fait attention à ce détail. Mais... Ça ressemble plus à fille que mine. Hein? Tu peux regarder Salim dans le livre là-bas, je sais pas s'il y a le premier. Regarde le hadith 759. كان يطول في الركعة الأولى من صلاة. C'est vrai que fi, c'est... Après, il faut voir s'il n'y a pas plusieurs versions. À coup les hal, je regarderai ça dans, en plus dans les détails, inshallah. Est-ce que... Naam? Min, hein? T'as regardé le 759? Regarde le 762. Sept cent soixante-dix-huit et sept cent soixante-dix-neuf. Yafi? Non. Inch'Allah, à mon avis, il doit y avoir deux versions, min et fi. Tout dépend ensuite celle qui est choisie. Le sens n'est pas altéré et ne change pas, que ce soit min ou que ce soit fi. Donc, le 95e hadith. Selon Abu Qatada, radiallahu anhu, il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lisez dans les deux premières unités de prière de Salat al-Dhuhr, de la prière de Dhuhr, il lisait Surat al-Fatiha et deux sourates. Et deux sourates. C'est-à-dire une sourate pour chaque raka'a. Il allongeait la première et raccourcissait la deuxième. Il nous faisait entendre des versets parfois, et parfois il nous faisait entendre des versets. Et il lisait dans Surat al-Asr, dans la prière de l'Asr, Al-Fatiha, ainsi que deux sourates. Il allongeait la première et raccourcissait la deuxième rak'at. Et dans les deux dernières rak'at, il lisait Surat al-Fatiha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam allongeait la première raka'at de Salat al-Subh et il raccourcissait la deuxième raka'at, autrement dit de Salat al-Subh. Al-Ma'na al-Ijmali. Kana al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yura'i fi salatihi al-maslahat al-ammata lil-musallin. لذا كان من عادته أن يقرأ بعد سورة الفاتحة غيرها من القرآن في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر لكون الناس في أول العبادة أنشط وفي الركعتين الأخريين يقتصر على الفاتحة خشية السأم والملل من المصلين لهذه الحكمة وأيضا ليدرك المتخلفون كل الصلاة كأن يطيل الركعة الأولى على الثانية في كيفية القراءة وكميتها وإن وراء هذا التشريع الحكيم من الأسرار والحكم والمصالح ما يجعل المؤمن يطمئن وتقر عينه والخضوع والطاعة لأحكام الله تعالى هي المقصد الأسمى من العبادة وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أيضا في صلاة الصبح فيطيل قراءة الأولى على الثانية وكانت قراءته في الظهر والعصر سرا إلا أنه قد يجهر ببعض الآيات أحيانا ليعلموا أنه يقرأ فيقتدوا به. Le sens général de ce hadith. Le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il priait, il prenait en considération l'intérêt général des prières. Ainsi, il avait pour habitude, sallallahu alayhi wa sallam, de lire, après Surat al-Fatiha, d'autres sourates du Coran, dans les deux premières raka'at de Salat al-Dhuhr et al-Asr. Ceci car les gens, au début de l'adoration, sont plus motivés. Et dans les deux dernières raka'at, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se contentait de lire Al-Fatiha, de peur de la lassitude que pourraient avoir les prieurs. Et également, parmi les sagesses de ces actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses sagesses, également pour que les retardataires puissent avoir et puissent atteindre la totalité de la prière. Comme le fait de rallonger la première raka'at et de raccourcir la deuxième, que ce soit dans la façon de lire et dans la quantité qui est lue. Donc, parmi les sagesses du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allongeait la première et raccourcissait la deuxième pour permettre aux éventuels retardataires de pouvoir arriver à temps à la première raka'at et ainsi pouvoir prier la prière dans sa totalité avec l'imam. Et il y a derrière cette législation, sage, il y a des secrets, des sagesses et des intérêts qui font en sorte que le croyant est apaisé pendant la prière. Et le fait de se soumettre et d'obéir au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala est le but ultime de l'adoration. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait également cela pendant la prière de Subh. Il allongeait la lecture de la première raka'at par rapport à la seconde. Et La lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la prière de Dhuhr et l'Asr était à voix basse, sauf que parfois il lisait à voix haute certains versets afin que ceux qui sont derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sachent qu'il prie, qu'il lit afwan et ainsi qu'ils le prennent et qu'ils le suivent dans sa lecture. ما يؤخذ من الحديث ce que l'on retient du hadith. اولا مشروعيه القراءه بعد الفاتحه في الركعتين الاوليين من صلاه الظهر والعصر. Premièrement, on retient du hadith qu'il est légiféré de lire après sourate al-Fatiha une sourate dans les deux premières rak'at des prières de Dhuhr et al-Asr. ثانيا استحباب الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخريين منهما. Deuxièmement, qu'il est préférable de se restreindre à la lecture de sourate al-Fatiha uniquement dans les deux dernières rak'at de ces deux prières. Et on verra par la suite que, ça on l'a déjà vu dans les cours de l'Ouajiz, qu'il est autorisé de temps en temps de lire des sourates après Al-Fatiha même dans les deux dernières raka'at. Dans les deux dernières raka'at, des sourates, des prières composées de quatre unités de prières. Thalithan, tatwil al-raka'at al-oula 'ala al-thaniya min salati adh-dhuhr wal-'asr. Troisièmement, ce que l'on retient également, c'est le fait d'allonger la première raka'at par rapport à la seconde dans les prières de Dhuhr et l'Asr. Rabi'an, istihbabu l'israri bihatayn salatayn. Quatrièmement, qu'il est préférable de lire à voix basse pendant ces deux prières. Lesquelles prières? Dhuhr et l'Asr. Ici, le cheikh dit que c'est préférable. Il n'y a rien d'étrange. Qu'est-ce qui est étrange? Il a déjà récité à voix haute dans Dhuhr et dans l'Asr. Non. Il n'est pas dans le livre la description de la salat. Non, de temps en temps. Oui, quelques versets. Ouais, mais pas, il ne faisait pas toute la prière à voix haute, non. Comme ici dans le hadith de Abu Qatada, il nous faisait entendre des versets parfois. Parfois, le prophète sallam élevait sa voix dans sa lecture pour montrer aux gens qu'il lit et ainsi pour qu'eux aussi lisent. De réciter à voix basse pendant une prière à voix basse, est-ce que c'est obligatoire ou préférable? Non? Après le cheikh, mais le cheikh, il a des preuves. Quelle est la preuve que c'est préférable? Si on vous dit quelle est la preuve que c'est préférable? Je sais que c'est l'estihbab de faire à voix haute Maghrib ou l'Isha. L'estihbab de faire à voix haute Maghrib ou l'Isha, que c'est pas une obligation. Qu'est-ce qui prouve l'obligation? C'est ça? Est-ce qu'il y a un hadith prophète qui dit, après un autre dos, vous devez la faire à voix basse obligatoirement? Oui. Sallu kama ra'aytumuni usalli, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lise à voix haute quelques versets pendant une prière à voix basse. Si c'était une obligation de lire à voix basse, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lirait à voix haute quelques versets? Non. Ceci pour montrer également qu'il est autorisé d'élever la voix pendant une prière à voix basse. Non? Après, pour toute la prière, les savants disent que le mieux, c'est de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est de lire à voix basse une prière à voix basse et de lire à voix haute une prière à voix haute. Et c'est la fatwa des savants, que ce soit Cheikh Ibn Baz ou que ce soit Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Cheikh Al-Uthaymin, on lui a même posé la question qu'un homme a prié Al-Asr, Al-Dhuhr et Al-Asr. Il a lu Al-Fatiha à voix haute. Et les gens l'ont repris. Est-ce qu'il doit faire ce jeu de Sao ou pas? Non? Ah, mais la question qui est posée, tu dis ça à n'importe quel musulman, il va te dire, ah bah oui, il a fait une erreur de lire le Fatiha à voix haute, en plus les gens l'ont repris. Il a fait exprès? Non? Non, c'est pas obligatoire. Cheikh Al-Uthaymin rahimallah a dit la yajib alayh. Cheikh Al-Uthaymin dit non. Oui, le prophète dit sallu kama ra'aytumuni usalli. Pour enseigner et pour montrer aussi. Pourquoi? Qui est qui te dit ça? Bah, c'est les savants, ils en ont déduit ça. Al istihbab, ils l'ont déduit de quoi de ça? Bah, c'est les savants. Bah si, c'est un dalil. Bah si. Salaha, je ne connais pas un savant qui dit que de lire à voix haute pendant une prière à voix haute et de lire à voix basse pendant une prière à voix basse est obligatoire. Même les anciens. Qui? Taïb, Inch'Allah. S'il y a d'autres avis, pas de souci, on prend. Naam. Pas à faire ce jet de cerveau lorsqu'on était, on se trompait dans la lecture du Coran, parce que le prophète s'est renseigné un jour, il s'est trompé dans la lecture, et derrière il y avait justement un des hafaz du Coran, et il lui a dit pourquoi tu ne m'as pas repris justement dans la lecture du Coran. Tu as vu que justement, selon le sens, c'est le sens, mm-hmm. C'est-à-dire que tu as entendu justement que je m'étais trompé, et tu n'es pas intervenu, mm-hmm. Et pourquoi le prophète s'est renseigné n'a pas fait justement ce jet de cerveau. Et ils disent que justement c'est la preuve que lorsque le Coran il est. Non, mais après, là on retourne au jugement de ce jeu de Sahou, quand est-ce qu'il est obligatoire, quand est-ce qu'il est préférable. À Kouli Halkan, une chose qui est recommandée et délaissée par inattention, le sujet de Sahou devient préférable ou obligatoire? Préférable. D'accord, donc là on. Ça retourne au fait de, le fait de lire, par exemple, ou de se tromper dans une lecture après le Fatiha, pendant la prière, le fait de ne pas faire ce jeu des sahou n'est pas une obligation. Et concernant la fatwa, donc moi je l'ai écrit, je l'ai recopié de Cheikh Al-Uthaymin, la question qui est posée. « Idha kana l'imam fi salatin sirriya, mithul asri awi dhuhri, qara al-fatihata jahran » ونبهه بعض المصلين فهل يسجد للسهو في هذه الحال وهل هذا العمل نقص او زياده في الصلاه. Donc la question qui a été posée à Cheikh Al-Uthaymin, lorsqu'un imam dans une prière à voix basse comme al-asr ou al-dhuhr lit sourate al-fatiha à voix haute et que des prières ou certains prières l'ont alerté sur cela, doit-il se prosterner et faire les prosternations de la distraction dans cette situation, dans ce cas? Et ceci, ce qu'il a fait, est-ce un manquement ou un ajout dans la prière? Al-jawab, sujud as-sahw fi hadhihi al-hal laysa biwajib, li'anna ghayatahu annahu akhalla bis-sunnah wa hiya al-israr fi as-salat as-sirriyah. على أن من السنة أن يسمع الإمام القراءة أحيانا جاء ذلك مصرحا به في حديث أبي قتادة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية أحيانا في قراءة السر ولا يجب عليه سجود السهو في هذه الحال ولكن إن سجد فلا حرج وموضع السجود في هذه الحال بعد السلام لأن الجهر ziyadah wa in sajada qabla as-salam fala haraj. Donc quelle est la réponse de Cheikh rahimahullah? Il dit la prosternation de la distraction dans ce cas n'est pas obligatoire car cet imam ce qu'il a fait ou ce qu'il a fait de ce qu'on lui reproche ou ce qu'il a fait de mal entre guillemets, c'est de ne pas avoir mis en pratique une sunna qui est de lire à voix basse pendant une prière à voix basse. Ala anna min as-sunna, sachant que fait partie de la sunna que l'imam fasse entendre sa lecture de temps en temps. Ceci est rapporté de façon claire dans le hadith d'Abu Qatada radiallahu anhu, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur faisait entendre parfois des versets dans une lecture à voix basse, dans une prière à voix basse. Et il ne lui est pas obligatoire de faire la prosternation de la distraction dans ce cas, mais s'il se prosterne, il n'y a point de mal. Et quand, au moment où il doit faire la prosternation, dans cette situation, ce sera après le salam, car le fait de lire à voix haute est un ajout. Est un ajout, mais s'il se prosterne avant le salam, il n'y a point de mal à cela. Et il y a une fatwa également similaire de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, qui dit également que al-israru fi salati siriyya min as-sunnah, que de lire à voix basse pendant une prière à voix basse est une sunnah. Autrement dit, ce n'est pas obligatoire. Taïb. خامسا جواز الجهر ببعض الآيات وخاصة لقصد التعليم. Cinquièmement, l'autorisation de lire à voix haute certains versets et plus particulièrement lorsque cela est fait dans le but d'enseigner. سادسا استحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح. Sixièmement, qu'il est préférable d'allonger la première rak'at par rapport à la seconde pendant la prière de الصبح. سابعا, قال النووي رحمه الله الوجه الثاني أنه يستحب أو يستحب تطويل القراءة في الركعة الأولى قصدا وهذا المختار وهو الموافق لظاهر السنة. Septièmement, l'imam al-Nawawi rahimahullah a dit, et le deuxième avis est qu'il est préférable d'allonger la lecture dans la première rak'at de façon volontaire. Et c'est ce qui est choisi, c'est l'avis qui est choisi, et c'est celui qui est en concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez compris la parole de l'imam Nawawi ou pas? Pour comprendre, en fait, il faut revenir à la parole initiale de l'imam Nawawi, rahimahullah, où il cite le premier avis. C'est vrai que comme ça, ici on ne réfléchit pas, on ne comprend pas pourquoi Cheikh Al-Bassem a cité cette parole de l'imam Nawawi. Quel est l'intérêt de citer cette parole? L'intérêt est qu'il est autorisé d'allonger la lecture. Parce que quand on revient à la parole de l'imam Nawawi, dans son explication de Sahih Muslim, car le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc l'imam Nawawi rahimahullah a dit dans l'explication de ce hadith que les savants ont divergé sur la compréhension de ce hadith. Certains ont dit que la première raka'at est plus longue que la deuxième. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la première est longue et plus longue que la deuxième? Certains ont dit parce qu'il y a dans la première raka'at de Al-Istiftah, il y a Al-Ta'awud, et qu'il n'est pas demandé d'allonger la lecture. Non. Ça c'est le premier avis. Et c'est là où l'imam Nawawi a dit, et le deuxième avis, qui est أنه يستحب تطويل القراءة في الركعة الأولى, qu'il est recommandé d'allonger la lecture dans la première rak'at قصدا, c'est-à-dire le but c'est d'allonger la lecture. Quand on parle d'allonger la première rak'at, il y a les siftah et ta'awudh, mais de lire une lecture plus longue et plus lente dans la première rak'at, et c'est ce qui apparaît, et c'est ce qui est en concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allonger la lecture, c'est que dans chaque salat. Ouais, c'est ce que je... Dans chaque première rak'at dans la prière ici, les prières citées sont al-dhuhr, al-asr et al-subh. Donc là, yani, on se contente d'expliquer ce hadith. Na'am. Na'am, akhi. Oui. J'ai pas eu le temps de revenir dessus, Saraha. J'ai pas eu le temps. J'ai pas oublié. Il est toujours en suspens ce point. طيب الحديث السادس والتسعون لو 96 حديث عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور رواه البخاري ومسلم. Le 96e hadith, selon Jubair ibn Mut'im, radiyallahu anhu, il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lire pendant Salat al-Maghrib, Surat al-Tur. Je crois qu'il y a une erreur dans... Ils ont mis le Baqara 63. En fait, c'est al-Tur 1, c'est le premier verset de Tur. Vous l'avez pas, vous, l'erreur. Al-ma'na al-ijmali, le sens général du hadith. Al-'adatu fi salati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu kana yutilu al-qira'ata fi salati as-subh wa yuqassiruha fi al-maghrib wa yatawassatu fi ghayrihima min as-salawati al-khams walakinahu qad yatruku al-'adata fa yuqassir ma haqquhu at-tatwil li bayan al-jawaz wa li aghradin ukhra كما في الحديث من أنه قرأ في صلاة المغرب بسورة الطور وهي من طوال المفصل. Le sens général du hadith. L'habitude, ou il est de coutume dans la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il allongeait la lecture pendant la prière de Subh et qu'il la raccourcissait pendant la prière de Maghrib, et que il était entre les deux pendant les autres prières, parmi les cinq prières. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam délaissait parfois cette habitude en raccourcissant ce qui est long pour montrer l'autorisation. Pour montrer l'autorisation ou pour d'autres raisons. Comme dans ce hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié Surat al-Maghrib, ou a lu dans Surat al-Maghrib, Surat al-Tur, qui fait partie de At-Tiwal al-Mufassal. Qu'est-ce que At-Tiwal al-Mufassal? Al-Mufassal, ce sont les surats qui commencent de Qaf jusqu'à An-Nas. Quand on parle de, si on te dit quel est le Mufassal dans le Coran, le Mufassal commence de Surat Qaf jusqu'à Surat An-Nas. Ensuite, Al-Mufassal se divise en trois. Il y a Tiwal Al-Mufassal, wa Mutawassit Al-Mufassal, wa Qisar Al-Mufassal. Il y a les longues surat de Al-Mufassal, il y a les surat médianes de Al-Mufassal, et il y a les petites surat de Al-Mufassal. Tiwal Al-Mufassal vont de Qaf jusqu'à Amma. De Surat Qaf jusqu'à Amma, c'est ce que les savants appellent Triwal ou Mufassal. À la coulée, il y a une divergence des savants sur la définition ou sur les limites de Triwal ou Mufassal. Certains ont dit jusqu'à Amma, d'autres ont dit avant. À la coulée, l'avis du Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, est que Triwal ou Mufassal, les longues sourates de Mufassal vont de Qaf jusqu'à Amma. Ensuite, la partie médiane de Mufassal va de Amma jusqu'à sourate Al-Duha. Et Qisar Al-Mufassal vont de Al-Duha jusqu'à sourate An-Nas. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu dans sourate pendant sourate Al-Maghrib, sourate At-Tur, qui fait partie de Tiwal Al-Mufassal. Sourate At-Tur est se situe entre sourate Qaf et sourate Naam. Et sourate oui, elle est dans Tiwal Mufassal. Elle est entre Qaf et Amma. Elle est entre Qaf et Amma. Ce qu'on retient du hadith, ma yukhadu min al hadith, inna al mashru'a huwa al jahru fi salat al maghrib. Premièrement, que ce qui est légiféré, c'est de lire à voix haute pendant salat al maghrib. Thaniyan, jawazu italati al qira'ati fiha. Deuxièmement, ce qu'on retient du hadith également, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est autorisé d'allonger la lecture pendant surat al-Maghrib. Et ceci, de temps en temps. Et dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié une fois surat al-Maghrib en disant quelle surat? Naam? Surat al-A'raf, ahsant. Et surat al-A'raf, il y a combien de hizb dedans? À peu près. Non. Un, deux hizb et demi dans surat al-A'raf, à peu près. Il y a à peu près deux hizb et demi dans surat al-A'raf. Donc une surat qui est longue, et ce qui prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam délaissait cette habitude de lire d'habitude Qisar al-Mufassal, car dans surat al-Maghrib, l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam était de lire Qisar al-Mufassal, c'est-à-dire entre surat al-Duha et surat al-Nas. On aktafi bi hadha al-qadr, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.